Donc on continue inchallah la série de cours en français sur les hadiths de Cheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah dans la croyance de suivi. On attend que ça se calme un peu dans la mosquée. On avait fini la série d'introduction au niveau des cours, au niveau de la préscience, des gens de science et de la science. On avait fini la biographie de Cheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah également. Et on avait terminé également l'introduction que Cheikh Rabi a fait lui-même, où il explique la raison pour laquelle il a écrit le livre et qu'il a écrit pour l'université de Médine, le Jami' al-Islamia. Et donc, après cela, Inch'Allah, il nous reste à rentrer dans le premier hadith, qui est le hadith d'Abdou Ibn Abbas, qui a pour titre « Manhaj al-Da'wati ila Allah ». Donc, Inch'Allah, je vais vous demander de noter comme d'habitude, Inch'Allah, pour les frères qui ont plus l'habitude de suivre le cours, Inch'Allah. Et j'interroge, donc, Inch'Allah, si vous savez prendre des notes. Donc, Cheikh Rabi' commence avec le premier hadith des 21 hadiths, qui a pour titre, qui dit le hadith l'awwal, Manhaj al-Da'wati ila Allah. Donc la voie à suivre dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le titre du hadith, vous avez donc déjà une explication dans le titre du hadith, la voie à suivre dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc An ibn Abbas radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal lamma ba'atha mu'adan lil Yaman qaal إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية زين الخفيرسون الحديث إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Donc Cheikh Rabi' commence sa série de 21 hadiths dans la croyance le suivi par le premier hadith. Et c'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas. Donc Allah les agrée tous deux. Et Inch'Allah, il va s'attacher, donc comme on avait dit, on a rapporté la méthodologie de Cheikh Rabi' ici dans ce livre-là. C'est qu'il rapporte donc le rapporteur du hadith. Il fait une biographie succincte du rapporteur. On va voir qui est Abdou Ibn Abbas, radiallahu anhu. Ensuite, il s'attache à expliquer après le tahrij évidemment du hadith, il s'attache à expliquer les mots de vocabulaire qui peuvent prêter à confusion, qui méritent une explication, donc le jargon du hadith. Et ensuite, il donne ce qu'on appelle le ma'na ijmali, c'est-à-dire le sens général du hadith. Et ensuite, en termes de synthèse de l'explication, il donne les différents points, les différentes fawa'id à tirer du hadith. Donc, Inch'Allah, je vous interrogerai, Inch'Allah, sur la fin du cours ou pendant le cours, sur qui est le rapporteur, le sens du hadith, les vocabulaires du hadith et où est-ce qu'on peut trouver le hadith, donc le tahrij le hadith. Donc, on commence directement dans le hadith, donc on l'a lu ensemble. Cheikh Rabi' nous dit Akhraj le hadith le Bukhari au Muslim. والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. القوم دي أخرج الحديث البخاري. كيف سأفيدك في نطق الليف؟ صحيح البخاري نعم. القوم دي رواه مسلم كذلك. في تدير صحيح مسلم نعم. بارك الله فيكم. النسائي. دم. السنن النسائي ابن ماجه. ابن ماجه السنن ابن ماجه والدارمي. تفهم؟ En fait, c'est le Mousnad, le bon mot, mais c'est vrai qu'il est classé sur la Abu Firriya, c'est pour ça que Cheikh Al-Bani Rahmatullah Ali disait toujours que le bon mot en fait, qui conviendrait au Mousnad d'Arimi, ce serait plutôt Sunan. Parce qu'il n'est pas classé selon les rapporteurs, il est classé selon la Abu Firriya. Donc, dans le sens, tu as raison, le nom c'est Mousnad d'Arimi. Et Ahmed, dans son Mousnad Naam. Donc, je vous rapporte le tahrij, Inch'Allah, mais avant ça, Inch'Allah, dans chaque livre, avec chaque chapitre, etc., et avant ça, on va d'abord traduire le hadith ensemble. Donc, d'après une narration de Ibn Abbas, le fils d'Abbas, qu'Allah les agrée tous deux, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoie Mu'adh au Yémen, lui dit « Tu vas rencontrer un peuple parmi les gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelleras soit l'attestation qu'il y a des divinités adorées avec vérité qu'Allah. Et dans une autre version du hadith, dans une autre riwaya, qu'ils croient en un seul Dieu. Il a un yuwahidullah. C'est-à-dire qu'ils vouent une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez ici la faiblesse de la langue française par rapport à la langue arabe, on fait juste un rapprochement du sens, évidemment. Donc, s'ils t'obéissent en cela, la suite du hadith, s'ils t'obéissent en cela, fais-leur savoir qu'Allah leur a prescrit 5 prières chaque jour et nuit. Donc, vous voyez la progression ici dans la da'wah. On commence par la da'wah. Et Cheikh Rabi va nous l'expliquer, Inch'Allah. Vous avez une progression dans la da'wah, des étapes à suivre. Donc, la première, c'était les appeler à l'attestation de la ilaha illallah. Ensuite, s'ils t'obéissent en cela, fais-leur savoir qu'Allah leur a prescrit 5 prières chaque jour et nuit. Donc, c'est l'obligation de la prière, l'accomplissement de la prière. S'ils t'obéissent en cela, ensuite, après la prière, s'ils t'obéissent en cela, fais-leur savoir qu'Allah leur a prescrit une aumône à leurs riches, qui sera donnée à leurs pauvres. S'ils t'obéissent en cela, fais attention au meilleur de leurs biens et crains la vocation de celui qui a subi une injustice. Car il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était pour la traduction du hadith. En termes de tahrij par rapport au hadith, donc on dit que le hadith a été rapporté par le Bukhari dans son Sahih Kitab Zakah, chapitre l'aumône prescrite légale. Donc le Bukhari, chapitre de la Zakah. Il est rapporté également par Muslim, dans son Sahih également, dans son authentique, Kitab l'Iman, chapitre de la foi. Ensuite, il était rapporté également par An-Nasa'i dans Sunan, comme on l'a dit, chapitre de la Zakah, Kitab Zakah. Il a été rapporté également dans Ibn Majah, dans Sunan Ibn Majah, par Ibn Majah, et c'est dans Kitab Zakah également. On a dit qu'il était dans Musnad al-Darimi, dans Kitab Zakah également. Il était rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Évidemment, comme il n'est pas classé le Mousnad par chapitre dans la jurisprudence, ici c'est volume 1, page 223, ou hadith 223. Donc maintenant, Cheikh Rabi, après avoir rapporté le hadith, après avoir fait le tahrij du hadith, rapporté les sources où on peut trouver le hadith, maintenant il va s'attacher à l'étude de la biographie du rapporteur de ce hadith-là, qui est très très important. Il dit, Rawi le hadith, Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib al-Hashimi, ibn Ammi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, al-Habr, al-Bahr, bisi'ati ilmihi, wa huwa ahad al-mukthirin min al-Sahaba, wa ahad al-Abadilah min fuqaha al-Sahaba, mata sana 68. Donc, Cheikh Rabi ici fait la biographie d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, et nous dit que le rapporteur du hadith est Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي il est donc le fils de l'oncle paternel بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم donc le fils de l'oncle paternel de l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم c'est-à-dire son cousin عام donc l'éminent savant dont on donne le titre de Habr une petite faïda ici au niveau du mot Habr Cheikh Al-Uthaymeen dans Sharh Kitab al-Tawhid Qawl Mufid explique que le Habr, en fait, il a les mêmes lettres que le mot Bahr. Justement, et ça rejoint la parole de Cheikh Rabi ici, il dit le Habr, le Bahr, les si'ati ilmi. C'est pour montrer l'étendue de sa science. C'est-à-dire que c'est un océan de science. Et il fait partie des compagnons qui ont rapporté un grand nombre de hadiths qu'on appelle Mukthirin min al-Sahaba. Al-Mukthirin, plutôt al-Mukthirun min al-Sahaba. Les compagnons qui ont rapporté un grand nombre de hadiths. Et il est l'un des différents Abdullah, ce qu'on appelle Abadillah, mon fuqaha al-Sahaba. Qui s'est donné un autre Abdullah parmi les grands Sahaba? Un autre. Abdullah ibn Omar, barakallahu fiqh. Et donc, Abdullah ibn Abbas, c'est la fin de sa biographie, est décédé en l'an 68 de l'Hégire. En l'an 68 de l'Hégire. Donc après s'être attaché à la biographie d'Abdullah ibn Abbas, Cheikh Rabi Hafidhahullah ici nous rapporte le jargon, les vocabulaires attirés du hadith. Donc Donc il a dit lemma ba'atha Mu'ad al-Yaman, ba'atha, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arsala, a envoyé. Ba'atha veut dire arsala. Ahlul Kitab, Cheikh Rabbi a dit humul Yahoud wal Nasara. Humul Yahoud wal Nasara, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens. Shahadatu an la ilaha illallah, al-i'tiraf bi annahu la ma'budu bi haqqin illallah. وأن عبادة من سواه باطلة وشرك بالله. Donc Cheikh ici dit l'attestation de la ilaha illallah, c'est-à-dire reconnaître le fait qu'il n'y a d'adorer avec vérité que Allah, et que toute adoration en dehors de lui est une adoration vaine et fausse, et une association à Allah. Dans notre riwaya, donc on avait dit que فَلَكُلْ أَوَلُ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Dans notre riwaya, notre version du hadith, il a aï yuwahhidullah, c'est-à-dire qu'il lui voue une adoration exclusive, si on veut traduire le sens de yuwahhidullah. Ensuite il dit iftaraba, fa'alima anna Allah qad iftaraba alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. Iftaraba, le mot iftarada veut dire awjaba wa hatama, c'est-à-dire a prescrit et rendu obligatoire. Ensuite il a dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُكَ لِذَلِكَ فَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً. Qu'est-ce que veut dire le mot sadaqa ici? Il veut dire le mot légal obligatoire, c'est-à-dire la zakat. C'est ça qu'il faut comprendre ici dans le hadith. Donc Cheikh Rabi a dit que al-muradu biha al-sadaqa al-zakat al-mafrouda. Al-zakat, al-zakat al-mafrouda. Il dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ. Qu'est-ce que veut dire le mot أَطَاعُوكَ? Il dit Cheikh Rabi' إِنْقَادُوا وَمْتَفَلُوا. إِنْقَادُوا وَمْتَفَلُوا, c'est-à-dire se sont soumis et ont appliqué. كَرَائِمْ الْأَمْوَالِ, ici كَرَائِمْ, qu'est-ce que veut dire? C'est خِيَرُ الْمَالِ وَأَنْفَسُهُ وَأَكْثَرُهُ ثَمَنًا. Le meilleur de l'argent et qui a le plus de valeur parmi les biens. D'accord? Inch'Allah, Cheikh Rabi' va expliquer en fait. Donc ici on a fini, maintenant on rentre dans le ma'na al-ijmali du hadith, le sens général du hadith, et après ensuite on va rapporter les points importants à tirer de ce hadith qu'on appelle fawaid al-hadith, ou ma yu'khadhu min al-hadith. Donc le mot dans le hadith, il résume ça en une phrase très courte et qui résume tout, et on revient encore une fois au titre du hadith, c'est bayanu منهج الدعوة إلى الله. نعم منهج بيان منهج الدعوة إلى الله, c'est-à-dire une mise en évidence de la voie adoptée lors de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un rappel pour tout le monde, que ce soit au niveau de nos familles, de nos amis, des musulmans, des non-musulmans, etc. Parce que la da'wa, comme Cheikh Abdel Jabiri dit, elle se divise en deux, da'wa ta'sis ou da'wa tasihih. Da'wa ta'sis, c'est le fait d'appeler les non-musulmans à l'islam, et da'wa tasihih, c'est le fait d'appeler les musulmans à corriger leur islam, à revenir à une compréhension correcte de l'islam. Donc, que ce soit dans les deux cas, la première chose à laquelle on appelle, même si les musulmans disent « La ilaha illallah », il faut le rappeler à une compréhension correcte, et Cheikh va en parler, Inch'Allah, après, une compréhension correcte de « La ilaha illallah », une application de « La ilaha illallah ». Donc, on a dit « Le ma'na al-ijmali lil hadith », après avoir vu le sujet du hadith, Cheikh Rabi'a, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « يبين الحديث الخطوات الواجبة التي يجب أن يسلكها الداعي إلى الله. فأول شيء يجب أن يبدأ به هو الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة والابتعاد عن الشرك صغيره وكبيره, وذلك يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمقصود بهذه الشهادة أن العبادات بكل أنواعها حق ثابت لله وحده لا يستحق سواه منها شيئا. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر, فلا يدعى إلى الله وحده ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف ويرجى إلا هو. فمن صرف شيئا من هذه العبادات أو غيرها لغير الله فقد أشرك بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سورة المائدة. وليس المراد من لا إله إلا الله مجرد النطق بها، بل لابد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ولابد من استكمال شروطها. Donc, Cheikh Rabi ici, dans le sens général du hadith, on va s'arrêter là parce qu'en fait, Cheikh après va rapporter les 7 conditions de la ilaha illallah. Donc, le sens général du hadith, ce hadith met en évidence les étapes obligatoires que le prêcheur doit franchir de manière obligatoire lorsqu'il appelle à Allah. La première chose par laquelle il doit commencer, c'est l'appel à l'unicité et avouer une adoration exclusive à Allah. Et le fait de s'éloigner de l'association, que ce soit la petite ou la grande. Cela au moyen de l'attestation qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est voulu par cette attestation, c'est que toutes les adorations sous toutes les formes soient un droit affirmé à Allah seul et que personne en dehors de lui ne détient la moindre chose de ce droit, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, ni un homme vertueux, ni une pierre, ni un arbre, ni le soleil, ni la lune. Il ne doit être invoqué qu'Allah seul. On ne doit implorer le secours dans les situations de difficulté que de lui. Ici, j'ai traduit donc la yustaghathu illa bih, l'istighatha. Oui, l'istighatha, l'istighana, etc. L'ulama ont expliqué, ont donné des définitions à ces notions-là. Quand vous venez à Fath al-Majid, sur la kitab al-Tawhid, alors que l'istighatha, c'est talabul ghawf, huwa izalatu shidda. C'est-à-dire que vous demandez à Allah Azza wa Jal qu'il vous retire de cette situation de difficulté, implorer le secours dans une situation de difficulté. Et c'est là la différence entre l'istighatha ou l'isti'ana. L'isti'ana, c'est talab al-aoun, le fait de demander de l'aide. D'accord ? Donc, on a dit, il ne sera demandé de l'aide qu'à lui. C'est-à-dire, fala yusta'anu illa bih. Et ne sera placée la confiance qu'à lui. Et ne sera craint que lui. Et on espérera qu'en lui. Donc celui qui voue l'une de ses adorations ou une autre, ou autre, à autre qu'Allah, aura certes associé à Allah. Ouli'adou billah. Ici, la traduction approximative de la parole d'Allah, donc surat Ma'ida, verset 72. Pour les frères qui veulent la traduction, la Ma'ida est traduite par la table servie. Verset 72. Donc, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Donc, Cheikh Rabi a ici apporté un point très important. Et ici, on comprendra que pourquoi même les musulmans sont concernés. Ce qui est demandé, ce n'est pas seulement de prononcer cette attestation, la ilaha illallah, mais aussi la connaissance de son sens et la pratique de ce qu'elle implique. Et il faut absolument que les conditions de cette attestation soient réunies. Alors, Cheikh ici, évidemment, il rapporte les conditions de la ilaha illallah, les 7 conditions de la ilaha illallah. Certains mashaykh rapportent 8, comme Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, il met en fait comme item al-kufr bit-ta'ud. D'accord ? Il n'y a pas de contradiction entre les deux, mais Cheikh ici, on rapporte 7, on se limite à ce que dit le Cheikh, inshallah. Pour les frères qui veulent plus de détails sur le 8e, al-kufr bit-ta'ud, ils peuvent revenir à l'explication de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh. Donc il dit Cheikh Rabi', wa shurutuha sab'a. Ces conditions donc sont au nombre de 7, les conditions de la ilaha illallah. Il dit, la première, l'awwal, chart l'awwal, l'ilmu, l'munafi, l'iljah. C'est-à-dire la science opposée à l'ignorance. L'importance de montrer les opposés, c'est comme le qu'on rapporte dans le poème qui est souvent cité par le Mashir, c'est qu'avec les contraires, on veut dire, c'est-à-dire qu'avec les contraires apparaissent les choses. Hein? Donc, ça c'est une méthodologie qui est très importante chez les gens de la Sunna. Donc ici, non seulement on rapporte les shurouts, mais on rapporte ce qui va à l'opposé de cela et ce qui est contraire à cela. Pour quel est l'avantage de ça, évidemment ? Ben, c'est de s'en écarter. D'accord ? Et de ne pas tomber dedans. Donc, al-awwalu, al-ilmu, al-munafi lil jahl. C'est-à-dire que la science opposée à l'ignorance. Ash-shartu thani, deuxième condition de la ilaha illallah, c'est al-yaqin, al-munafi lil shak. C'est-à-dire la certitude qui est opposée à au doute, na'am. Troisième, al-thalith, al-qaboulu, al-munafi lil-rabt. L'acceptation opposée au rejet. La quatrième, al-shatr rabi', al-inqiyadu, al-munafi lil-tark. La soumission opposée à l'abandon. Cinquième, al-shatr al-khamis, al-ikhlas, al-munafi les shirk, c'est-à-dire la sincérité qui est en opposition par rapport au, à l'association. Sixième, ash-shartu s-sadis, as-sidq, la véracité opposée au mensonge, al-munafi al-kadhib. Et ash-shartu s-sabi', le dernier que c'est Rabi' ici, c'est al-mahabbatu al-munafiya li-dhibbiha. C'est-à-dire l'amour qui est opposé à son contraire. Et Cheikh Najmi dans Sharh Kitab al-Tawhid explique que l'amour, le mahabba, c'est-à-dire la détestation. Alors pour les frères qui voudraient plus de détails, et je recommande vivement, Inch'Allah, et on pourra peut-être organiser ça, qu'on aura peut-être fini ce livre-là, Inch'Allah, c'est, il y a une très belle explication de Shurut la ilallah de Chirouvé de Diagri, hein, qui d'ailleurs qui a été publiée, qui existe en livre. Pour les frères qui n'ont pas les photocopies, Inch'Allah, moi je l'ai en tout cas, c'est pour ceux qui veulent faire les photocopies. Et peut-être même que vous allez le retrouver sur des sites internet en feuille. Hein, je pense que c'est disponible, Inch'Allah. C'est une très belle explication de Chirouvé, il va vraiment dans le détail. Je recommande. Et pour celles qui veulent aussi, celles qui veulent plus de détails, revenez au livre de Cheikh Mohamed Abdul Wahab Al-Wassabi qui est Al-Qul Mufid fi Adilat al-Tawhid. D'accord. Il y a une nouvelle version qui est sortie. C'est une jaquette soit mauve, soit verte. Hein? Elle est un peu verte. Hein? Et elle est très complète. Et moi j'ai une version à la maison avec un charh d'un Cheikh du Yémen, en fait, explication des annotations. Donc c'est très intéressant, là il rapporte les je me souviens bien, il me rapporte même une huitième. Cheikh Al-Wassabi. Cheikh Al-Wassabi, Mohamed Al-Wassabi. Le Cheikh du Yémen, élève Cheikh Mokbel. Donc ici, Cheikh Rabi'a continue en disant « Al-maqsoud bi shahadati anna Muhammad Rasulullah, ma'rifatu ma'naha wal-amalu bi muqtadaha. Falaysa al-muradu aydan mujaradu al-talaffuzi biha » فهي تعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وعبادة الله بما شرع على لسان هذا الرسول الكريم لا بالهوى عليه الصلاة والسلام لا بالهوى ولا بالابتداع فعلى النصيحة سيد الشيخ رضي الله عنه إن شاء الله فعلى كل مسلم معرفة معنى الشهادتين حق الفهم والعمل الجاد بمقتضاهما هو التصديق والإيمان والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالعبادات والتشريعات في كل مجالات الحياة. Donc Cheikh Rabi' ici, nasiha, il dit, et ce qui est demandé voulu par l'attestation que Muhammad est l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est la connaissance de son sens et la pratique de ce que cela implique. Ce qui est demandé, ce n'est pas non plus juste le fait de ne pas la prononcer, c'est aussi le fait de croire en ce qu'il a informé et de lui obéir dans ce qu'il a ordonné et de délaisser ce qu'il a interdit et d'adorer Allah avec ce qu'il a légiféré, ça c'est important aussi, par la parole de cet envoyé béni, alayhi salatu wassalam, pas par la passion ni par l'innovation. Et ici, il y a un cheikh qui est très connu, qui a rapporté ces paroles-là dans un livre très connu, qui s'est donné le titre du livre, et le nom du cheikh. Sur la shahada de Muhammad Rasulullah, yani, ta'afu fima amar, dès que je vais le dire, vous allez sortir le nom directement. Wa ishinabu mana an wa zajar, wa tasdiqu bima akhbar, wa la yu'bad Allahu illa bima shara'. Cheikh Muhammad al-Wahhab, dans quel livre ? Usul Thalatha, na'am. Vous voyez, c'est une notion qui revient systématiquement chez le mashayikh, et c'est important de les connaître par cœur, inshallah. Donc je l'ai peut-être en français pour les frères, hein, Inch'Allah. Donc c'est le fait de croire, tasdiquhu fima akhbar, c'est-à-dire le fait de croire, de rendre véridique, en ce quoi il a informé, en ce qu'il a informé. D'accord ? Wa ta'atuhu fima amar. Et vous voyez, beaucoup nous tous, de toute façon, on a un grand problème vis-à-vis de ça, c'est l'obéissance, subhanallah. On dit tous que là, il y a un rasulullah, c'est qu'il nous a promis de notre obéissance au prophète, à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'obéir dans ce qu'il a ordonné. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est l'opposé. Hein? Délaisser ce qu'il a interdit. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Wa an la yu'bad Allah illa bima shara'a. Et d'adorer Allah avec ce qu'il a légiféré. Ou que avec ce qu'il a légiféré. Hein? Pas par la passion ni par l'innovation. Ça, c'est important aussi. D'ailleurs, c'est quoi ? C'est pas une des conditions de. les deux conditions de l'action, de l'ibada, pour qu'elle soit acceptée, le mutaba'a, la première, c'est l'ikhlas. Ça nous rappelle le verset du Coran, de Sourate Al-Kahf, le dernier. C'est le verset de Sourate Al-Mulk, premier. Et mes chers, ils rapportent surtout dans le film de Katir, revenez, Inch'Allah, la fameuse parole de Fadal ibn Ayyad. Ils l'ont demandé c'est quoi le. Il a dit Akhlasuhu wa Aswabuhu. Ani Ahsanu Amala, c'est quoi la meilleure des actions? Il a dit Akhlasuhu wa Aswabuhu. C'est-à-dire, le plus sincère et le plus conforme à la relation du prophète. D'accord? Donc, Cheikh Hissin, on arrive à la Nasihah dont on a cité en arabe. Il est donc obligatoire pour tout musulman, et musulman évidemment, quand on dit musulman, ça englobe les sœurs et les frères, de connaître le sens de ces deux attestations avec la bonne compréhension. Ça, c'est un point important. D'appliquer de la meilleure des manières ce qu'elles impliquent, et c'est rendre véridique et croire et appliquer de la meilleure des manières ce avec quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu dans le Coran et la Sunna en ce qui concerne les croyances et les adorations et les législations dans tous les domaines de la vie. Donc après avoir rapporté le ma'na l'ijmali et le hadith, bien, il nous reste à rapporter ma yustafadu min al hadith, c'est-à-dire c'est une sorte de synthèse que Cheikh Rabi' nous fait ici, et donc il résume en points les points importants et les fawa'id qu'on peut tirer de ce hadith-là, de hadith d'Abdullah ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'az au Yémen. Donc, le fa'idat ul-oula, ou bien noqtat ul-oula, أن التوحيد هو أساس الإسلام. كل توحيد لنسيتي سي لا باز دو الإسلام. Donc ça c'était le premier point. Deuxième point, أن أهم الأركان بعد التوحيد هو إقامة الصلاة. Ici il a pas dit صلاة, vous avez vu? إقامة الصلاة. C'est ce qui revient systématiquement dans les versets. يقيمون الصلاة. C'est-à-dire le fait de parachever sa prière, d'accomplir l'accomplissement correct de sa prière. Donc, on a dit ici que le deuxième point c'était que le plus important des piliers après le tawhid c'est l'accomplissement de la prière. Ça, c'est une réfutation de beaucoup de jama'at, comme le jama'at Tablir, par exemple, qui ne s'intéresse pas du tout au premier point au tawhid, qui est la base de l'islam, et elle s'occupe directement de la salah, et si c'est moi, elle s'occupe de la salah correctement, ce qu'ils ne font même pas correctement, parce qu'ils n'appliquent pas la sunnah dans la salah. Donc, c'est important, ça c'est le ménage à la sunnah al-jama'a, c'est da'wa le tawhid awalan. C'est commencer, d'ailleurs, le nom vient d'un épître très connu sur l'Albanie. Tawhid awalan. C'est une petite risala qui a été publiée de Cheikh Al-Albani, Tawhid awalan yadu'at al-islam. Au prêcheur de l'islam. C'est un appel de Cheikh Al-Albani et c'est un appel de tous les savants de la sunna depuis toujours. Troisième point, ou bien le fa'idat al-thalitha, anna awjaba arkan al-islam ba'da al-salah yad zakat al-mafrouda. Wa hiya min haqq al-mal. Donc le troisième, ou plutôt, que le pilier de l'islam le plus important après la prière, donc on a vu après la shahada, après l'attestation, c'est la prière, l'accomplissement de la prière, et après la prière, c'est la zakat. C'est-à-dire le mot légal prescrit, si on veut la traduire, et elle fait partie des droits sur l'argent. Comme l'a dit le cheikh ici, وَهِيَا مِنْ حَقِّ الْمَالِ. Elle fait partie des droits de l'argent. الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ Quatrième point, أَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا إِمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ. Donc, quatrième point, c'est que le gouvernant qui s'occupe de percevoir la zakat, c'est lui qui s'occupe de récupérer la zakat, de percevoir la zakat, et la répartir lui-même ou via un délégué, en fait. Cinquième point, cinquième faïda. وفي الحديث دليل أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. Alors ici, le cheikh nous dit dans le cinquième point, dans ce hadith, il y a une preuve que la zakat peut être donnée à une seule des différentes sortes de personnes qui peuvent bénéficier de la zakat. Alors je vous ai amené Pour mettre un peu plus clair, la sourate Tawba, verset 60, la traduction, en fait, c'est Fir fait référence ici aux 8 groupes de personnes qui ont droit à recevoir la zakat, en fait. Hein? D'accord? Donc, je vous lis le verset en arabe, je vous lis la traduction, Inch'Allah, on ne va pas s'attarder dessus, mais c'est intéressant de savoir ça, Inch'Allah. Donc, Cheikh ici dit qu'on va voir les 8 sortes, et Cheikh dit que dans ce hadith-ci, il y a une preuve. Il y a une preuve dans le fait qu'on peut donner la zakat à une seule des sortes. Et qu'est-ce que ça nous rappelle, ça? Ça ne nous rappelle pas que dans la traduction, Cheikh, regardez pourquoi il écrit le livre. Quelque part, il nous éduque à tirer des thèses, comme il avait dit, hein, des fawa'id des hadiths. Et je suis sûr que vous savez le faire. Pourquoi Cheikh dit ça? Quel est le point du hadith? Comment il a, le wajh l'istidlal, comme on a dit, comment il a fait pour prendre ce point du hadith? À quel point du hadith fait-il référence? Regardez un peu. Qu'est-ce qui fait que Cheikh Rabi a dit que dans ce hadith-ci, il y a un dalil sur le fait qu'on peut donner la zakat qu'à une seule sorte. Si vous lisez le hadith, c'est évident. Tout de suite, vous allez le voir tout de suite devant vous. Na'am, faturaddu ala fuqara'ihim. Il a dit, c'est une zakat, une moumoun, c'est une sadaqa qu'on prend des riches et qu'on donne aux pauvres. Or, les pauvres, c'est pas la seule sorte de personne qu'on peut donner. D'accord? Donc, je vous lis le verset. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سورة التوبة le repentir ou le désaveu, si vous voulez, verset 60. D'accord, on lit ensemble la traduction approximative du sens du verset. Les sadaqat, donc les aumônes, ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents. Donc vous voyez, on commence par les pauvres, mais ensuite il y a les indigents. Hein? Évidemment, on n'est pas dans le sujet du fiqh ici, mais il y a une différence, les lois font différence, notamment sur la team, notre al-miskin, notre faqir. Hein? Vous voyez que la langue française, encore une fois, elle est pauvre. Pour traduire genre de notion, en français, un pauvre, c'est un pauvre. Traduire misérable, pauvre, je ne sais pas, mais on ne perçoit pas vraiment la grande différence. Hein? Il y a une différence dans le fiqh, en tout cas, sur la team, il fait une différence entre miskin ou faqir. Donc ici, ils traduisent par les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, al-amilin alayha, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. L'affranchissement des jougs, hein, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. D'accord? C'est un décret d'Allah, faridat min Allah, et Allah est omniscient et sage. Wallahu alimul hakim. Donc ça c'était juste pour la traduction, pour que vous ayez les 8 sortes de personnes. Inch'Allah, si les frères veulent plus de détails, qu'ils reviennent à n'importe quel livre de fiqh, Bulugh al-Maram, Zad al-Mustaqni', Amd al-Ahkam, n'importe, Inch'Allah, vous allez trouver, Inch'Allah, un bab consacré à la zakat, et ce qu'on appelle Asnaf al-Zakat, hein? Asnaf al-Zakat, les gens à qui on peut donner la zakat, en fait, d'accord? Donc c'était juste pour les citer ici. Donc Cheikh, donc ici, dit que on répète ce point-là parce qu'il est quand même important. Dans ce hadith, il y a une preuve donc que la zakat peut être donnée à une seule des différentes sortes de personnes qui peuvent bénéficier de la zakat. Et je vous conseille vraiment de revenir à certaines explications de Cheikh Al-Uthaymeen, parce que Cheikh Al-Uthaymeen, il fait un tafsir, il rapporte quand c'est mieux de donner à un genre de personne ou à une personne, à plusieurs personnes, etc. Hein, on connaît la méthodologie de Cheikh Al-Uthaymeen, en général, il laisse rien de côté. Hein, rahmatullah alayh. Sixième point. وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى غني. C'est-à-dire, et vous savez tirer vous-même du hadith également, il y a également une preuve qu'il est interdit de la donner à un riche. Ben pourquoi? Qui sait me dire pourquoi? Ben parce qu'on la prend des riches, on la donne aux pauvres. C'est tout aussi simple que ça. تُؤْخَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Donc, septième point. وَفِيهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْعَامِلِ فِي الزَّكَاةِ أَخْذُ كَرَائِمِ الْمَالِ. Il y a également une preuve ici qu'il est interdit aux percepteurs de la zakat de prendre les biens les plus précieux. Regardez la perfection de l'islam, subhanallah. Hein? Et Cheikh, je répète, Inch'Allah, pas de problème. Qu'il est interdit aux percepteurs de la zakat, hein, de. Non? Non, le percepteur de la zakat, c'est-à-dire que celui qui perçoit la zakat, comme on a dit tout à l'heure, On a dit le gouvernement peut la demander lui-même, soit il peut demander à un délégué, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de. On peut dire un employé, qui serait un employé, voilà, un collecteur, si vous voulez, un percepteur, quelqu'un qui prend la zakat, d'accord? Justement, c'est que ce percepteur-là ne peut pas prendre les meilleurs des biens des gens. Et ce hadith-là, il a été cité notamment par Imam Sheikh Al-Wahhab dans le Kitab al-Tawhid, et je vous conseille de revenir à l'explication de Sheikh Najmi. Le Kitab al-Tawhid, je l'ai lu, j'ai regardé, j'ai un peu feuilleté, etc. Il rapporte justement qu'en islam, on ne prend pas ni du moins bon, de l'argent, si vous voulez, des biens, ni du meilleur, mais on prend de ce qui est wasat. Hein? D'accord? Donc, je répète qu'il est interdit au percepteur de la zakat, celui qui prend la zakat, si vous voulez, de prendre les biens les plus précieux. Huitième point, Saïd al-Famina, la mise en garde contre toutes les formes d'injustice. Pourquoi? Qui sait me rapporter pourquoi ici? Très facile en lisant le hadith. Parce qu'il n'y a pas de. Oui? Il n'y a pas de hijab entre eux, il n'y a pas de voile entre eux. Qui s'est me le rapporter dans le hadith, la partie du hadith qui est citée? Wattaqi ta'awad al-mazlum fa'innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Fais attention à dhulm, fais attention à l'injustice. Donc ici, Cheikh Rabi a dit, on prend le hadith, il nous apprend encore une fois à extraire les fawa'id du hadith, hein? C'est que la mise en garde contre toutes les formes d'injustice. Neuvième point, le fa'id al-tasi'a, وفيه قبول خبر الواحد العبد في العقيدة وما يوجب العمل. Ça, c'est un point très très important pour les gens de la Sunna ici, hein, par rapport à beaucoup de sectes, notamment Hizb Tahrir, etc., hein, qui ne prennent pas Khabar al-Ahad. Khabar al-Ahad, c'est une version, un hadith, un khabar, une information rapportée par une seule personne. D'accord? Donc le fait d'accepter l'information rapportée par une seule personne, juste. Quelqu'un de juste, évidemment, adl. On avait expliqué que si on voulait expliquer le mot adl, il fallait un cours de Moussara al-Hadi juste pour expliquer qu'est-ce que, hein, c'était qui est adl. Dans la croyance et les actes. Regardez ce que dit Chir ici. Dans la croyance et les actes. Rien que ce hadith, vous réfutez toutes les sectes qui prennent le khabar al-Ahad dans la croyance. Pourquoi? Mouad, il est un ou il est plusieurs? Il est un, il l'a envoyé tout seul au Yémen. Il l'a envoyé au Yémen et il a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. C'est pas la croyance, ça. Et ensuite, les actions aussi, salat, zakat, etc. D'accord? Donc là, il y a une preuve évidente sur l'obligation pour les gens de la sunna de prendre khabar al-ahad, les informations rapportées par une seule personne. Il y a une preuve que vous connaissez certainement aussi sur le fait de prendre khabar al-ahad, là je sors du livre, c'est lorsque la qibla a changé pour les musulmans. Il y avait des musulmans qui priaient où? Hein? Non, qui priaient et qui étaient toujours en direction de. De Jérusalem de l'Aqsa, ils étaient où ces musulmans et qui les a prévenus? Est-ce que c'est pas un sahabi qui les a prévenus pendant la prière? Ils sont tournés pendant la prière. Il était seul. Le Cheikh Abdel Aziz Rajihi, dans Sharh Kitab al-Iman de Qasim Ubadillah ibn Salam, il dit que dans ce hadith-là, il cite la preuve, et il dit que dans ce hadith-là, il y a une preuve évidente de l'obligation de prendre Khabar al-Ahad. Les sahabas ne se sont pas posés de questions. Ils sont retournés pendant la prière. Allahu Akbar. Ils sont retournés. Dernier point, inshallah, en tout cas des fawaïd ici, que, comme je dis d'abord en arabe, et ça c'est un point important, on a souvent rencontré des erreurs dans la da'wa, c'est que le prêcheur doit commencer par le plus important. C'est un point. Il dit, cher ici, bil aham il fait l'aham. Il ne faut pas comprendre le plus important et après ce qui est pas important. Non, non, non. Tout est important, mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Donc on fait passer ce qui est plus important avec ce qui est moins important que le plus important, même si c'est important. Que ce soit bien clair, qu'on ne dise pas qu'il y a des choses pas importantes dans la religion. D'accord? Par ordre d'importance. Par ordre d'importance, voilà, je crois que c'est vraiment beaucoup plus court. Donc. Dixième point, que le prêcheur doit commencer par le plus important. Même dans Talab al-Ilm, je me rappelle le poème que peut-être certains d'entre vous connaissent. ولفظ عن تحصيله قليل فقدم الأهم فالأهم. La science والعلم إن طلبته كثير. Si tu le demandes, si tu cherches la science, elle est nombreuse, elle est grande la science. والوقت عن تحصيله قليل. Le temps pour justement prendre cette science, mais il est court. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Si la science elle est grande, elle prend les cours. فقدم الأهم فالأهم. C'est-à-dire fais passer ce qui est important avec ce qui est moins. Avant ce qui est moins. D'accord? Et on a fini avec le premier hadith. On va un petit peu interroger, Inch'Allah. Hein? Je ne citerai pas de nom. Hein? On laisse la proposition ouverte. On ne voudrait pas embarrasser nos frères. Donc, Inch'Allah, qui sait juste me rapporter qui est le rapporteur du hadith, juste son nom complet, sans regarder les notes, bien sûr. Fadal. Abd ibn Abbas, son nom complet, le fils de Abd al-Muttalib, barakallahu fik, qui est de Al-Hashimi. Et quelle est sa position par rapport à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Son cousin. C'est le fils de son oncle, maternel ou paternel? Paternel. Paternel. En arabe, on dit am. Entre l'am ou l'khal. C'est-à-dire que c'est l'oncle paternel. C'est le frère de son père. Donc Abd al-Abbas, regardez la position d'Abd al-Abbas. Non seulement c'est un grand compagnon, mais en plus, il est dans la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de sa famille. Et donc, c'est son cousin. D'accord? Donc, le hadith d'Abd al-Abbas, qu'est-ce qu'Abd al-Abbas nous rapporte ici? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé qui? Où? Non? Et lorsqu'il a envoyé Mu'az au Yémen, il lui a fait des recommandations. Quelle est la première des recommandations? Vous pouvez le dire en français, il n'y a pas de problème. Non? نعم بارك الله فيك فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. C'est-à-dire que c'est la première chose à laquelle tu les appelles, soit l'attestation qu'il n'y a d'adorer avec vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, mais regardez, non, بارك الله فيك, c'est ça que je voulais entendre. فإنهم أطاعوك لذلك. S'ils acceptent, regardez les étapes. Si ça c'est réglé, ils acceptent cela, ensuite, quelle est la deuxième étape? Salah ou Iqama al-Salah? Iqama al-Salah. Le fait d'accomplir, de parachever sa prière, hein, de faire une prière correcte. Le prophète sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Comme vous m'avez vu, prier. On ne peut pas prier n'importe comment. On prie comme le prophète sallam a prié. Ensuite, après l'accomplissement de la prière, c'était si ils acceptent, barakallahu fik, c'est. Zakat, c'est-à-dire l'aumône prescrite légale, et cette zakat, elle est prescrite sur qui et pour qui? Les riches pour les pauvres. Est-ce que les pauvres, c'est la seule des sortes à qui on peut donner la zakat? Combien il y en a? Il y en a 8, Naam. Qui sait peut-être les citer, ou en tout cas me citer juste le verset, ou peut-être juste la référence du verset, en fonction de ce que vous pouvez, Inch'Allah. Naam, qui sait citer le verset? Ou juste la traduction approximative, ou en tout cas, hein? Inna ma sadaqatu. Je vais laisser. Si vous rapportez la traduction, je veux juste les 8 sortes, ou en tout cas quelques-unes. Je dis parce que le sujet, c'est pas un sujet dans le ici, c'est juste pour, Inch'Allah, pour apporter une faïda en plus, pour bien comprendre qu'il y a une des sortes. Non, vas-y. Donc les catégories, les 8 catégories sont? Celui qui est lourdement endetté. Celui qui est lourdement endetté, ça fait une des parties là. Le voyageur en détresse, l'année Benissabil, ça s'appelle Benissabil. Les indigents, là, hein? Les pauvres, 4. Hein? Ceux qui sont sur le sentier d'Allah, Fisabilillah, 5. Encore? C'est dur à traduire ça. C'est l'année qu'on a traduit, hein? Les cœurs. Qu'on veut rapprocher de l'islam, en fait, c'est ça le ma'an du kalam. Hein? Et encore, on a encore besoin de deux. Hein? Naam. On a oublié un. Hein? On a dit le voyageur, non? Indigent, on l'a dit? On a dit? Ceux qui sont sur le jour qu'on avait dit, hein? Naam. Vous avez traduit ça dans la traduction saoudienne ici du Mus'haf en français. C'est la traduction qu'on a citée. Surat al-Tawbah, repentir, verset 60. Donc ici, après la zakat, il y a فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ s'ils t'obéissent en cela, qu'est-ce que le prophète Hassan a donné comme wasiyah? Il a donné un ordre. Il a dit crains quoi? L'invocation de celui qui a subi une injustice. دعوة المظلوم. Pourquoi? بسبب اللي جت après. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Parce qu'il n'y a pas un voile. Et le Mashiach dit, attention, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que le Mashiach dit que même un kafir, que même un non-musulman, c'est comme une injustice envers lui, et qu'il fait une dua sur toi, il n'y a pas de hijab entre elle, la dua, et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de voile. Donc vraiment, faire attention de ne pas, être injuste envers qui que ce soit, musulman ou non-musulman. En plus, un non-musulman, ce n'est pas vraiment une bonne dawa d'être injuste envers lui. Hein. D'accord? Ensuite, je voudrais que, sans regarder dans les notes, quelqu'un me rapporte le tahrij du hadith dans combien de livres, qui, quel chapitre, etc. Donc, les hadithines, vous regardez, ils ont un istilah, ils ont un ordre. Ils disent jamais musulman ou al-Bukhari. Vous avez remarqué ça? Ils disent toujours Bukhari ou musulman. Ils donnent toujours par l'ordre d'importance des livres de la sunna. D'ailleurs, ils sont classés comme ça. D'ailleurs, quand l'ulama cite le kutub sita, comment il les cite? Bukhari, musulman, et puis Abu Daoud. Et puis, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Il les rapporte comme ça dans l'ordre. D'accord? Et regardez l'ordre est ici. Hein. Il y en a, ils ne sont pas tous là, les six. Mais regardez le Bukhari. Ensuite, Muslim. Ensuite, Nasa'i. Vous voyez, avant Ibn Majah. Ensuite, Ibn Majah, Ad-Darimi, Ahmed. D'accord? Donc le Bukhari, quand on a dit Bukhari, c'est dans son Sahih. Quel chapitre, Kitab, Zakat? Non. Je voulais souffler. Muslim, dans son Sahih, Kitab l'Iman. Kitab l'Iman, chapitre de la foi. Al-Nasa'i, dans Sunan, ce qu'on appelle Sunan Nasa'i. D'accord? Dans le chapitre de Zakat également, c'est facile. Ibn Majah, dans son Sunan. Sunan, c'est important pour les titres des livres rentrent, Inch'Allah. Sunan Ibn Majah. Sunan Ibn Majah, dans le chapitre Kitab al-Zakat. Et Musnad al-Darimi. On a dit que le Musnad, parce que le frère a dit Sunan tout à l'heure, c'est pas tout à fait faux ce qu'il dit, mais l'ulama l'a planté Musnad. On a fait le Musnad, mais en vérité, il a plus en droit d'être appelé un Sunan parce qu'il est classé sur le chapitre. Et c'est ça là, une des grandes différences entre Musnad et Sunan, c'est que le Musnad est classé selon les rapporteurs. Donc quand vous ouvrez le Musnad d'Ibn Ahmed, c'est classé selon les rapporteurs. Et Sunan, c'est classé par l'Abu al-Fiqhiyya. Et quand vous ouvrez le Musnad d'Darimi, hein, vous allez voir que c'est classé par l'Abu al-Fiqhiyya, c'est-à-dire le chapitre dans la jurisprudence. Tahara, Salah, etc. Ahmed dans son Musnad. Non. Alors, qui sait me rapporter de manière succincte sans regarder les notes, qu'est-ce qu'il a retenu de la biographie d'Abd ibn Abbas, ibn Abd al-Muttalib, al-Hashimi, radiallahu anhumah, puisque son fils et son père est sahabi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il m'a rapporté quelques points? Comme ça vous vient, comme ça, hein, sans regarder les notes. Hein. Non. Al-Bahar, Al-Habr, Al-Habr. Al-Habr qui a les mêmes lettres que le mot Bahar, parce que c'est un océan dans la science. Non. C'est un titre qui existe souvent, c'est le Mashiach Al-Habr, c'est pour montrer le haut degré dans la science. Non. Je fais partie des différents Abdallah. Non, ce qu'on appelle l'Abadillah, mais Fouqaha al-Sahaba, c'est-à-dire les différents Abdallah, parmi les Abdallah des Sahaba, qui font partie des grands jurisconsultes parmi les Sahaba, Fouqaha al-Sahaba. On en a cité deux autres, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, barakallahu fik, min al-muktirin min al-sahaba. Parce que vous savez que les sahaba n'ont pas tous rapporté le même nombre de hadith. Comme vous regardez par exemple Aïcha et Abu Huraira, ils font partie parmi ceux qui ont rapporté le plus de hadith. D'accord? Et une des fawa'id qu'on peut rapporter ici, pourquoi par exemple Abu Huraira a rapporté par exemple le plus de hadith? Parce que il fait travailler. Non, en fait, on pourrait dire tout simplement parce que il était tout le temps avec le prophète. D'accord, mais c'est pas que pour ça. C'est ça que je voulais arriver. Non, c'est pas que pour ça. Donc, en fait, pourquoi? Parce que Abu Huraira était souvent avec le prophète, et c'est pas que pour ça. Parce que même après la mort du prophète, il est resté à la mosquée à Médine. Souvent, il prenait le hadith de Sahaba, de Kibar Sahaba. Donc, même après le décès de l'envoyé d'Allah, il a continué son talab dans le hadith. C'est une des raisons, si je me souviens, Mashiach al-Abbad, Al-Muhsin al-Abbad qui donnait cette faïda-là, c'est une des raisons pour laquelle ce nom fait partie parmi, si pas celui qui a rapporté plus de hadith. Donc ensuite, donc c'est juste, donc il fait partie de Muqtirim al-Sahaba. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 68 de l'Egirna. crois qu'on en a fini pour la biographie d'Abd ibn Abbas radhiyallahu anhu. Donc, par rapport au mufradat, les jargons dans le hadith, le prophète en a utilisé le mot ba'atha. Le mot ba'atha mu'adan ila al-Yaman. Qu'est-ce que ça veut dire ba'atha? Il l'a envoyé. Et vous voyez que Cheikh Rabi' a écrit aussi le livre. Pourquoi? Pour que les étudiants, hein, dans les différents colloques, les différentes universités, s'entraînent à la rédaction et au dialogue en langue arabe. C'est ce que nous montrons en tant que francophones. Et justement, c'est important d'avoir ce vocabulaire-là. Ba'atha et arsala, c'est-à-dire envoyé. Shahada an la ilaha illallah, c'est-à-dire il expliquait ça en disant Allah ma'bouda bihaq ilallah. C'est-à-dire qu'il n'y a d'adorer avec vérité qu'Allah, c'est ça le vrai sens de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqin ilallah, et que toute adoration de tout autre que lui, c'est-à-dire en dehors de lui, est une adoration vaine et fausse, et c'est une association à Allah subhanahu wa ta'ala. Iftarada, on a dit awjaba wa hatama, iftarada alaykum. C'est-à-dire que s'ils acceptent cela, dis-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire, prescrit, iftarada. Et ça vous rappelle un mot que vous connaissez tous en arabe. Naam, fard, farida. Hein? Prescrit quelque chose de précis, d'obligatoire. Et il y a une force dans l'obligation ici. Hein? Donc, sadaqa, qu'est-ce qu'on entend par sadaqa ici dans le hadith? Ce qu'il a dit, An Allah qad iftarada alayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyahim faturaddu ala fuqaraihim. La zakah. Naam, la zakah mafrouda, exactement. Naam. C'est-à-dire l'aumône légale prescrite. Et pour les frères, s'il y a des frères qui connaissent le hadith par cœur, après, Inch'Allah, s'ils veulent le réciter, il n'y a pas de problème, je pense que c'est une bonne motivation. Je n'interroge personne, je ne voudrais pas mettre mal à l'aise, mais Inch'Allah, s'il y a des frères qui veulent le réciter, et moi je peux le réciter peut-être avec vous, Inch'Allah, parce que ça motive tout le monde, Inch'Allah, ou la prochaine fois aussi, si vous voulez l'étudier pour la prochaine fois, comme ça on essaie de les. Il y en a 21, c'est pas grand-chose. 21 hadiths, c'est grand-chose en même temps, si vous voulez, parce que c'est important, c'est les paroles du prophète, ça va être l'un. Quand je dis c'est pas grand-chose au niveau du nombre, bien sûr. Ata'ouka, qu'est-ce que veut dire Ata'ouka? Hein? Et vous voyez le tamir ici, le kaf ici, c'est quoi? C'est taqdiruhu anta. C'est-à-dire Ata'ouka, s'ils t'obéissent. Hein? On prend un peu de la langue arabe, c'est Ata'ouka, s'ils t'obéissent. Kara'im, qu'est-ce qu'on avait dit? Kara'im, la moine, c'est quoi? C'était le moins parmi les biens, le moins de valeur, le milieu ou c'est le meilleur? Non, le karam, c'est le meilleur, c'est ce qui est interdit justement pour celui qui est au percepteur de prendre. Il doit prendre quelque chose de wasat, comme on a dit, quelque chose de moyen. D'accord? Alors, qu'il s'aime rapporter de manière générale, on va peut-être rentrer dans ses notes pour ne pas dire de bêtises, c'est qu'il s'aime rapporter le sens général du hadith. Le sens général du hadith, comprend du hadith. Le Cheikh Rabi', qu'est-ce qu'il a rapporté dans le hadith? Quel est le sujet du hadith? Naam, fadab. La méthodologie dans la da'wa. Na'am, barakallahu fik. Et dans la da'wa, c'est-à-dire dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Très juste. Na'am, fadal. C'est ce qu'il vient de dire. Exactement. Bayanu, la mise en évidence, ça c'est le sujet qu'il a dit sur Rabi'. Bayanu, manhajid da'wati ilallah. C'est-à-dire la mise en évidence de la voie à suivre lors de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le Cheikh Obed, il a divisé. Ça c'est pas dans le fait. C'est une faïda. Na'am, barakallahu fik. Le plus important avant ce qui a moins d'importance, en sachant que ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. L'ordre à suivre, exactement. Et à chaque fois, comme je m'en ai rapporté, فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ s'ils t'obéissent en cela, après tu leur dis فَعَلِمْهُمْ, fais leur savoir, littéralement, fais leur savoir. Hein? C'est ce que vient de dire Mourad aussi, mais ce n'était pas dans le livre, c'est moi qui ai rapporté ça. C'est que da'wa, il y a deux genres de da'wa, da'wa tasrih et da'wa ta'sis. C'est que da'wa ta'sis, ce qu'on appelle non-musulman à l'islam, et que da'wa tasrih, on appelle musulman à corriger l'islam et à revenir à une compréhension correcte. Hein? Fadda? Ça c'est, tu parles de ummat da'wa, ummat al-tijaba. Ça c'est en fait, il y a une différence parce que il y a certains hadiths, on dit ummati. Hein? Et il faut comprendre, des fois c'est Oumad Sijaba, des fois Oumad Da'wa. Oumad Da'wa est plus large. Oumad Da'wa c'est tous les gens, c'est une Da'wa universelle. Tu vois? Et donc Oumad Sijaba c'est plus petit, c'est plus restreint, c'est ceux qui ont accepté. Les Dharanans c'est ceux qui ont accepté la Da'wa du Prophète. Là c'est Oumad Da'wa. Ici, on a. À la fin avec la justice. Ici, il a rapporté de manière générale au taqid al-ad madloum, même comme on a rapporté le machiavélisme, même les non-musulmans. D'accord ? Au taqid da'wat al-madloum, c'est-à-dire l'invocation de celui qui a un madloum ala wad al-maf'oul, celui qui a subi une injustice. Hein ? فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui s'est rapporté maintenant plusieurs points. Et peut-être avant ça, on avait dit que le shirk c'était un volume, que c'était interdit, et que celui qui. Allah, on doit chercher le secours auprès d'Allah, on doit invoquer qu'Allah, on doit implorer l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit craindre que lui, faire notre confiance qu'en lui, et celui qui. Vous. Donc, tout ça, c'est des types d'adoration. Hein, comme d'ailleurs, Mohamed Al-Wahab l'a très bien rapporté dans son talata, il a dit Waminha. Hein, il a rapporté l'ibadat, il a dit Waminha, et puis il a rapporté beaucoup de genres d'ibadat. Et ici, quel est le dalil que j'ai cité dans Surat Al-Ma'ida que le châtiment de celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, wa l'a'adhu billah. Juste, même si vous avez retenu juste la traduction, j'ai rapporté la traduction, non ? Quiconque, comme j'avais dit, hein. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. La source, si vous voulez noter la source, surat al-Ma'ida, verset 72. Donc maintenant, Cheikh a ensuite rapporté une chose par rapport à l'Allah. Est-ce que c'est simplement le fait de le dire? Non, c'est le fait de connaître son sens à pratique, et c'est-à-dire aussi connaître ses conditions. Quelles sont les sept conditions de l'Allah? Avec leur contraire qu'on a cité. On a dit que Cheikh Tamashir en met 8, en donne 8, et c'est la 8e, c'est Cheikh Ben Baz, par exemple, dans le Shart La Ilaha Illallah, il rapporte Kufr bi Ta'awud, le fait de me croire en tout ce qu'adorait d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Barakallahu fik, première, l'ilm, elle a dit, vidbohu, al-jahl, ou al-munafi al-jahl, c'est-à-dire que la science qui est opposée à l'ignorance. Première. Deuxième, al-yaqin. C'était le munafi al-shakk, c'est-à-dire la certitude opposée au doute. Troisième, le kaboul, le munafi al-rad, c'est-à-dire l'acceptation opposée au rejet. Cinquième, soumission al-inqiyad, en arabe, al-inqiyadu, le munafi al-tark. C'est-à-dire la soumission opposée à l'abandon. Sixième. Ikhlas, sincérité opposée à l'association. Sixième ou cinquième? Non, sixième. La véracité, c'est-à-dire le sidq en arabe, le sidq. Le sidq opposé à Moshoj al-Kadib. Septième, le mahabba. Cheikh Richard a simplement dit opposé au contraire, c'est-à-dire le bourreau de la détestation. D'accord? Allah. Donc, ensuite, il s'est attaché là. Non, ici, si tu veux, Inch'Allah, on prendra de le Qol Mufid Fadil al-Tawhid. Cheikh Al-Wassabi rapporte les différents types de mahabba. Et en général, quand tu regardes dans le livre de croyants de l'unicité, les mashaykh rapportent les différents types de mahabba. Qu'est-ce qui est mahabba autorisée, qu'est-ce qui est mahabba interdite, qu'est-ce qui est mahabba shirkiya, association, quelle est la mahabba qu'on doit vouer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Inch'Allah. Inch'Allah, on pourra préparer ça éventuellement, Inch'Allah. Je préfère me baser sur une parole d'un shirk, Inch'Allah, et rapporter ça de manière en détail correctement, Inch'Allah. C'est quoi la différence par acceptation de soumission? On avait dit pas de questions, donc, septième condition, on l'a rapporté, c'était. Ok. Donc, il s'est rapporté maintenant quelques points qu'on a tirés du hadith, quelques fawa'id en termes de synthèse du hadith. Comme ça, on aura terminé pour ce hadith-là, Inch'Allah. On va peut-être éventuellement commencer le deuxième. Qu'est-ce qu'il m'a rapporté ? Comme ça vous vient en tête, avant de vous aider avec les notes, on va essayer d'abord de mémoire, c'est important pour travailler la mémoire. Hein. Et parce que je parle, j'ai les frères devant moi, mais pour les gens qui sont sur Paltalk aussi, c'est un bon exercice. Et j'avais dit que j'imposais, ou je demandais que les gens écrivent. Je pense que pour attendre les bérimes, c'est comme le minimum d'écrire. Et qu'ils essayent, Inch'Allah, de faire la même chose, de se rappeler, de rapporter les points, Inch'Allah, en même temps que nous. Je sais que c'est pas facile parce qu'ils ne nous voient pas, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, qui sait me rapporter quelques points? La plus importante, c'est le pensier. Non. Ensuite, la plus importante, c'est l'intuition. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ahmed.